ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci de rester fidèle aux émissions de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord la charpente. Plus de 4400 noms des enseignants ne figurent pas dans la base de données du ministère de l'Éducation. Cela ressort du rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes. Rapport qui a fait objet des questions orales ce mercredi au palais des congrès de Kigobe, à l'endroit du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Le Sénat burundais a approuvé en plénière ce mercredi au palais de congrès se trouvant dans la capitale politique Gitega trois noms proposés par le chef de l'État au poste de gouverneur de province, à savoir celui de Makamba, celui de Kirundo et celui de Murambi. L'hôpital de district Tebuhiga accuse manque criant du personnel et ne lui reste qu'un seul médecin. Actuellement, confirmation du médecin directeur de cet hôpital. Ce dernier dit avoir lancé l'appel d'offres à deux reprises, mais que personne n'a pu postuler pour venir prester à cet hôpital de Buhiga en province Karusi. Bienvenue à cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page éducation. Plus de 4400 noms des enseignants ne figurent pas dans la base des données du ministère de l'Éducation. Cela ressort du rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2020 et de 2022 à 2023. Après la présentation de ce rapport à l'Assemblée nationale ce mercredi, les députés ont évoqué des tricheries qui sont cause de dépenses énormes malgré l'augmentation à 82,3% du budget alloué au ministère de l'Éducation pendant la période 2019 à 2023. À cela, le ministre de l'Éducation, François Havyarimana, répond qu'un recensement du personnel du ministère a été organisé pour la vérification. Ornella Mucho a été à Kigobe pour la rédaction de la radio Isanganiro. Le manque de logiciels de gestion des ressources humaines, le manque de suivi régulier du nombre d'agents travaillant pour le ministère de l'Éducation sont certains des défis constatés lors de l'audit réalisé par la Cour des comptes pendant la période de 2019 à 2023. Cela ressort des rapports présentés ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les autres observations sur ce rapport sont le manque de documents de programmation budgétaire prévoyant les engagements et la mauvaise gestion des marchés publics, d'où des retards énormes de 2 à 7 mois dans l'exécution des marchés. À la question concernant la gestion et le suivi du personnel, le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, affirme qu'un logiciel de gestion des ressources humaines sera bientôt disponible, à part le recensement du personnel du ministère qui a déjà été organisé. Retard de la mise en exécution des marchés, c'est lié aux difficultés d'accès aux devises. Une autre chose qui a fort étonné plusieurs députés, y compris le président de l'Assemblée nationale, c'est le manque de manuels de procédure au sein de ce ministère. Le ministre Habyarimana rétorque que lors de l'audit, le manuel était déjà en cours d'élaboration et qu'actuellement ce manuel est déjà disponible, qu'ils sont plutôt à l'étape d'expliquer son contenu au personnel de l'éducation. Merci à Ornella Mucho pour tous ces détails. Le Sénat burundais réuni en plénière dans le palais se trouvant dans la capitale politique Gitega a approuvé ce mercredi trois noms proposés par le chef de l'État au poste de gouverneur de province. Il s'agit de Tintine Njutinamagara, nommé gouverneur de la province de Makamba, remplacement de Ngozi Lazana Béatrice, Ndikuma Sabo, Ephraim est nommé gouverneur de la province Muramvya et colonel de police Segasago Victor, nommé gouverneur de Kirundo. Les sénateurs ont voulu savoir l'ethnie de ces personnalités, mais le ministre ayant l'intérieur dans cette attributions qui étaient porteurs de messages envoyés par le chef de l'État, Martin Iteretse, n'a pas voulu faire de commentaires. Le Sénat burundais a ensuite approuvé le nom du général et de brigade Jules Ndihokubgay au poste d'ambassadeur. Ce nom a été envoyé par le chef de l'État, général de brigade Jules Ndihokubgay, était jusque-là le chef protocole d'État. Les députés burundais demandent l'abandon de l'agriculture de subsistance pour appliquer l'agriculture de mécanisation pour avoir une bonne production dans le pays. Cette demande a été formulée dans une séance de questions orales ce mardi au palais de congrès de Kigobe. Cette analyse est axée sur le rapport d'audit et de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, réalisé par la Cour des comptes pour la période 2021 à 2020 et de 2022 à 2023. Le ministre Prosper Dodiko ayant précisé que des zones agricoles seront placées dans différents domaines de l'État, le point avec Odana Chimie. Lors des questions orales sur le rapport d'analyse du rapport d'audit de capacité de gestion budgétaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage réalisé par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2020, de 2022 à 2023 ce mardi, la Chambre basse du Parlement a demandé au ministre de l'Agriculture de s'exprimer sur les différents problèmes qui hantent ce secteur. L'honorable Bidimungu Simon a émis des doutes sur la capacité du ministère à atteindre le développement souhaité en 2040. Aidez-moi à comprendre. Pensez-vous que l'agriculture et l'élevage peuvent faire atteindre le pays à sa vision du pays émergent en 2040? Le ministre Prosper Dodiko a rassuré en avançant que des zones agricoles modernes vont être aménagées. Il sera créé des zones agricoles modernes. Nous les placerons dans les domaines de l'État en les irriguant et en utilisant une agriculture mécanisée. Parmi les questions posées se trouve également celle liée à la production du café. L'honorable Bizimungu Pascal a tenu à souligner la régression de la production de cette plante industrielle. Le ministre Prosper Dodiko a fait savoir que des réformes sont en train d'être effectuées au niveau de l'EDK et au niveau de l'exportation de ce produit. Il y a eu des problèmes dans le secteur du café. Nous ne disposons pas d'un accès direct au marché. Nous demandons aux ambassadeurs de nous aider pour trouver des points de vente du café burundais à l'étranger, sans devoir passer par des intermédiaires. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a également annoncé que des études ont montré qu'il y a de nouvelles plantes industrielles qui peuvent s'adapter au climat et au sol du Burundi. Parmi celles-ci se trouvent la vanille, le patchouli, chia et moringa. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Droits de l'homme à présent, le Burundi a été élu ce mardi parmi 15 nouveaux pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024 à 2026. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi trouve que le combat engagé par le président de la République du Burundi pour une justice équitable serait à l'origine de cette élection. Anaclé Nzohabonayo, vice-président de la CNDH, demande au gouvernement burundais de toujours préserver les droits humains, quelles que soient les circonstances. Suivez-le dans ses propos recueillis par Placide Niomonquette. Le pays est engagé dans la promotion d'une justice équitable. Nous suivons tous les dénonciations du président de la République, des magistrats corrompus, suivis des sanctions. Ça, sont des signes éloquents qui montrent que ce n'est pas un fait du hasard de voir que le Burundi a été élu au Conseil des droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs efforts que l'on pourrait citer, mais de toutes les façons, vous voyez un engagement du gouvernement à continuer à aller de l'avant en cette matière. Et je crois que c'est ça qui lui a valu en fait cette élection. Cette élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme a une plus-value sur les activités de la CNDH. Et quand vous opérez avec quelqu'un qui comprend l'importance des droits de l'homme et l'importance de protéger ces droits de l'homme, alors, ça encourage à continuer à aller de l'avant. Vous savez que ce n'est pas un travail facile, la protection et la promotion des droits de l'homme, mais quand même pour la CNDH, je crois que c'est un signe très encourageant. Et donc aujourd'hui, autant on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés, autant durant la période électorale qu'après la période électorale, on a besoin que ces droits de l'homme soient protégés. L'élection du Burundi tombe après la demande du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Mais le vice-président de la CNDH justifie que cette élection du Burundi confirme que cette demande n'a aucun fondement. Encore une fois, Anna Klenzo-Abonayo. Nous avions déjà, dans la session de Genève, apporté des précisions pour montrer que les allégations du rapporteur spécial, en fait, n'avaient aucun fondement pour conduire à la rétrogradation de la CNDH. Et aujourd'hui, avec cette élection, c'est une preuve supplémentaire que les actions menées par la CNDH sont reconnues au moins indirectement par une grande majorité des pays. Mais qu'il y a des acteurs qui ne voient pas ça sous le même angle, eh bien, ça, il en a été toujours comme ça. On ne peut pas être d'accord tous sur un fait. Mais le fait, là, c'est un signe éloquent, c'est un message qui est donné à ces organisations pour leur dire, eh bien, vos arguments pour à soutenir la rétrogradation de la CNDH n'ont aucun fondement. Parce que, je comprends Marc, comment est-ce qu'on peut demander la rétrogradation d'une institution alors que le pays vient d'être élu à cette place-là. Ce serait effectivement demander une chose et son contraire. Page santé à présent, au moment où le monde a célébré la journée mondiale ce 10 octobre, journée de la santé mentale. Le centre neuropsychiatrique de Kamenge a accueilli plus de 1190 patients malades et mentaux l'année passée 2022. Le mois passé, ce centre a accueilli plus de 730 patients et parmi ces derniers, plus de 670 souffraient de maladies mentales. Pierre Claver, Njijimana, psychologue chargé du suivi des malades au sein de ce centre, signale que ce dernier a la capacité d'accueil de 160 patients seulement et des fois l'effectif des patients augmente. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonk. L'année passée, on a pu recevoir 10191 patients qui ont consulté l'hôpital. Le mois passé, on a reçu 732 patients et parmi les 732, 675 souffrent des problèmes de santé mentale. Et hier, on avait 141 patients qui étaient inscrits à l'hôpital sur une capacité d'accueil de 160 lits. C'est malgré qu'il y a eu des parts de certains médecins qui sont allés poursuivre les études à l'étranger. Mais quand même, ils ont été remplacés par d'autres médecins généralistes qui sont ici. Et nous avons aussi un psychiatre qui est permanent ici. Et je me dis que quand même, on essaie de faire le mieux pour prendre en charge les personnes qui souffrent des maladies mentales. Nous faisons une prise en charge, je dirais, purement institutionnelle. Et si la personne est sortie, on lui donne les médicaments pour un mois. Et si ce mois est terminé, on invite la personne de retourner pour l'ordonnance pour qu'il puisse acheter d'autres médicaments. Mais souvent, ce sont des gens qui nous reviennent dans un état de rechute parce qu'ils n'ont pas observé le médicament. Et ils nous disent qu'ils ont manqué les moyens pour acheter les médicaments et ils rechutent. Ça, c'est vraiment un problème que nous voyons au quotidien. Il y a des rechutes liées à l'inobservance thérapeutique, faute de moyens pour acheter. acheter les médicaments. J'aimerais peut-être lancer une demande, une doléance auprès du gouvernement pour qu'il puisse prendre cette question à main pour que les personnes qui souffrent d'une maladie mentale puissent se faire soigner gratuitement comme on l'a fait pour les maladies chroniques comme le VIH-SIDA. Comme ça, la population qui souffre de ces maladies va bénéficier des médicaments gratuitement et ça va diminuer aussi les cas de rechute qu'on observe ici et là par une observance thérapeutique. Si la personne a le droit à des médicaments, eh bien, il n'y a pas de rupture dans la prise en charge et par conséquent, il n'y a pas de rechute. Dans cette même page, santé, l'hôpital du district de Bouyiga en province Karoussi accuse un manque criant du personnel. Ne lui reste qu'un seul médecin actuellement. Confirmation du médecin directeur de cet hôpital, raison pour laquelle ce dernier a lancé deux appels d'offres successifs pour le recrutement de son personnel, mais aucun candidat n'a postulé, comme le déplore Dr Harry Halindavzi. Cela étant, il fait savoir qu'il continue à attendre ceux qui viendraient demander l'emploi. Les détails avec Blaise Pascal Karoumi. Le médecin directeur de l'hôpital de district de Bouhiga en province sanitaire de Karoussi confirme qu'il ne lui reste qu'un seul médecin et que son manque de personnel touche aussi tout le personnel soignant. Docteur Henri Halindavzi signale qu'il avait 5 médecins et que certains d'entre eux sont partis un à un depuis l'an passé 2022 et sans être remplacés. Il fait savoir que cette situation d'insuffisance accrue du personnel jusqu'au niveau des infirmiers est à la base des grognes de certains habitants de la population qui va chercher des services à cet hôpital de Bouyiga, d'autant plus qu'il arrive des fois où le patient passe du temps sans être servi ou consulté, malgré que ce qui reste sur place reste jour et nuit, signale-t-il. Le médecin directeur informe que cet hôpital de Bouyiga a lancé deux fois successives, au mois d'avril et le mois de juin passé, des appels d'offres d'emploi, mais déplore le directeur qu'aucun candidat n'a répondu à ces appels d'offres de recrutement, expliquant que les gens ne seraient plus intéressés par le métier. Henri Halindavzi indique qu'en collaboration avec l'hiérarchie, il continue à chercher des personnes qui pourraient venir travailler à cet hôpital de Bouhiga, qui est le seul hôpital de district dans les deux districts sanitaires de Karoussi, parce que l'hôpital de district sanitaire Nyabikere est toujours en cours de construction. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Sanganiro. Et page société à présent, la première dame du Burundi demande au gouvernement d'organiser dans l'avenir le forum des hommes leaders comme c'est le cas pour les femmes. Angeline Ndayishimiye l'a dit ce mercredi lors de la clôture de la 4e édition du Forum des femmes leaders qui s'est déroulé à Bujumbura du 9 au 11 octobre. Quant à Marie Salomé Ndabaradiye, administrateur directeur général de la Banque des femmes, lors du communiqué final de ce forum, a suggéré au gouvernement d'augmenter l'âge de se marier pour les jeunes filles. Gervais Ndirakobucha, premier ministre burundais, a indiqué qu'il va présenter ses demandes au Conseil des ministres. Le point avec Jean-Marie Vianenge Ndakoumane. Dans le communiqué de clôture du forum de haut niveau pour les femmes leaders qui a été lu par l'administrateur directeur de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, Marie Salomé Ndabaharié a suggéré au gouvernement d'augmenter l'âge légal de se marier pour les filles et garçons. Revoir à la hausse l'âge légal de mariage. Finaliser la politique nationale de la population et ses documents de mise en œuvre en lien avec la feuille de route pour la capture des dividendes démographiques et reformuler selon la vision 2040-2060. Mettre en place une politique nationale multisectorielle de nutrition et les plans stratégiques sectoriels budgétisés pour sa mise en œuvre. Créer un environnement favorable pour le développement du capital humain. Il demande également le renforcement du dialogue entre les mariés sur le planning familial dans le but de lutter contre la démographie galopante au Burundi. Renforcer le dialogue avec les leaders des confessions religieuses pour accroître leur implication contre le galop démographique. Promouvoir la stratégie homme champion ou homme engagé en planification familiale et nutrition pour influencer les autres hommes au changement de mentalité et au comportement responsable. créer des cadres multisectoriels de discussion à tous les niveaux sur les questions de planification familiale, de nutrition et égalité de genre, impliquant différentes autorités de prise de décision. Ici, nous parlons des gouverneurs, des administrateurs, des religieux, etc. Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, demande au gouvernement d'organiser dans l'avenir le forum des hommes leaders, comme c'est le cas pour les femmes. À cela, Gervain de la Komucha, première ministre burundais, a indiqué qu'il va soumettre leurs doléances au conseil des ministres. Parle, rassure-moi. Les discours triomphalistes dans un contexte post-conflit sont utilisés par des personnes sûres d'avoir toujours raison. Elles visent des intérêts personnels sans se soucier du bien de la communauté, ce qui constitue un danger. Docteur Hélène Mawenimana, enseignante à l'Université de Burundi et chef du département de journalisme et communication, indique que ceux qui se sentent lésés peuvent provoquer des violences en cherchant à se défendre. Pour cette experte, les récepteurs de ces messages doivent réfléchir avant de les diffuser pour éviter des problèmes qui peuvent nuire à la société. Les détails avec Francine Diokoukaï. Ce genre de discours se manifeste chez des personnes ayant une confiance excessive en soi. Elles visent des intérêts propres à leur groupe sans se soucier de ceux des autres, comme le dit Dr. Hélène Mawenimana, chef du département de journalisme et communication à l'Université du Burundi. Une personne qui est sûre d'avoir raison en tout et partout. Les gens qui utilisent ces discours ne visent que des intérêts personnels ou des intérêts d'un groupe quelconque. Je dirais que pour ces personnes, ces discours constituent un moyen d'atteindre leurs objectifs privés. De tels discours engendrent des conflits qui peuvent conduire à la destruction d'une communauté. Ces discours peuvent constituer un danger dans la communauté parce que les gens qui en profitent pour viser ou protéger leurs intérêts peuvent blesser moralement ceux qui n'adhèrent pas à leurs opinions. Ainsi, les personnes ou les groupes qui se sentent lésés peuvent faire recours à des actes pouvant donner lieu au conflit. Les dix conflits peuvent mener vers la destruction de leur communauté. Hélène Mawenimana conseille aux récepteurs de ces discours triomphalistes d'éviter de propager des messages qui n'ont d'autre visée que celle de séparer les membres d'une communauté. Les récepteurs de ces discours, je leur donnerai le conseil de prendre du temps pour réfléchir et trouver de meilleures solutions afin d'éviter tout problème pouvant être nuisible à la communauté. Aussi, les récepteurs de ces messages devraient éviter leur diffusion afin d'empêcher leur prolifération et ainsi participer à la bonne cohabitation dans leur communauté. Aux auteurs de ces discours, l'experte en communication leur propose de penser aux actes constructifs pour le bien de la communauté, car pour elle, l'atteinte des objectifs par le biais des conflits ne dure pas. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste et Nzikobanenga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.